Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission de notre toute nouvelle série, Les Invisibles. Bonjour Sarah. Bonjour Brice. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on a lancé cette émission? Les auditeurs veulent savoir. Eh bien, pour donner la parole aux gens qu'on n'entend jamais. Pour mettre en lumière les initiatives qu'on ne voit jamais. En d'autres termes, mon cher Brice, valoriser la mobilisation de citoyens au quotidien auprès de populations vulnérables. Cette semaine, petit tour d'horizon de quelques initiatives qui viennent en aide aux personnes exilées qui fuient leur pays pour des raisons souvent politiques, dans le cas d'une guerre par exemple. La première initiative que nous souhaitions vous présenter est l'association Utopia 56. Nous avons passé une nuit aux côtés des bénévoles de cette association dans le quartier de la Porte de la Chapelle, à Paris. Chaque soir, c'est là que viennent les demandeurs d'asile pour retrouver les bénévoles qui les orientent vers des hébergeurs citoyens chez qui ils peuvent passer la nuit. Mais ce n'est pas tout. Cette association accompagne aussi les exilés dans la fastidieuse procédure administrative de demande d'asile auprès des autorités compétentes. Nous avons rencontré Khalifa, un bénévole, qui nous détaille un peu plus ses différentes missions. Et on les aide pour tout ce qui est juridique, tout ce dont ils ont besoin, pour lequel on peut les aider. On leur donne des tentes, couverture, on leur explique la procédure pour demander l'asile. Nous avons également demandé à Chloé, une autre bénévole, de nous parler de son engagement chez Utopia. Genre depuis quand t'es bénévole à Utopia ? Là, ça va faire 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois que je suis avec Utopia. Ok, et du coup, tu es là souvent Une fois par semaine. En fait, c'est pour aller mieux, on va dire, au quotidien, puisque je travaille dans une entreprise dont j'aime pas trop les valeurs. Et on va dire que pour faire un équilibre de bonnes valeurs, je fais ça le soir pour être un peu mieux au quotidien. Une autre initiative, moins connue, est le programme d'accueil des réfugiés, mis en place dans différentes écoles. Par exemple, Sciences Po est activement engagée. Nous avons ainsi rencontré Ina, une jeune femme russe arrivée en France qui a fui son pays, car elle était persécutée pour avoir participé à des manifestations féministes et antiracistes. Grâce à ce programme, elle a étudié à Sciences Po et travaille actuellement à la mairie de Paris. En 2017, je suis rentrée en master politique publique avec spécialité santé publique. En quoi consiste ce programme de Sciences Po plus concrètement ? Ina va nous l'expliquer. J'avais le droit au dictionnaire pendant les examens. Je trouvais que c'était très important parce qu'à l'époque, mon niveau de français n'était pas au top. Donc, grâce à Sciences Po, je suis allée aussi chez psychologue. Et donc après, j'ai discuté avec assistante sociale à Sciences Po. Surtout, à la fin de mes études à Sciences Po, je peux rentrer à la mairie. Pour moi, c'était une grande chance de m'intégrer en France. HEC a également mis en place un programme d'accueil en partenariat avec l'association Wintergate. Denis, le mari d'Ina, a pu en profiter. Mon mari, il est aussi réfugié. Il est venu en France plus tard que moi et il devait apprendre le français. Et grâce à cette association, il a proposé de passer le cours de français à HEC. Et pour lui, c'est une découverte extraordinaire de plusieurs monteurs qui a aidé à construire son projet d'avenir, d'utiliser, je ne sais pas, la bibliothèque, bref, utiliser la piscine. Même, il y avait la cantine de campus. Et du coup, tout était gratuit pour les personnes réfugiées. Ah là là, chère Sarah, que de beaux élans de solidarité citoyenne. Mais oui, n'est-ce pas? Les associations se mobilisent avec dévouement pour défendre les droits des exilés. Et encore, nous n'avons présenté là qu'une partie des engagements individuels ou collectifs méconnus du grand public en faveur des exilés. Sans parler des milliers d'autres initiatives qui s'organisent chaque jour sur le terrain pour défendre les groupes sociaux qui vivent en marge de notre société. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour notre deuxième épisode qui sera consacré aux associations qui viennent en aide aux sans-abri. Les Invisibles, chaque mercredi à 12h.